Birdie, mon ami, l'histoire avance toujours dans la douleur, me dit Marx. Avant même que je n'aie le temps de lever un sourcil, il ajouta, le regard perdu dans la fumée de sa pipe, « À chaque époque, les sociétés sont traversées par un conflit invisible, celui entre ceux qui dominent et ceux qui subissent. Birdie, l'histoire de toute société jusqu'à nos jours, c'est l'histoire de la lutte des classes. » Je l'avais déjà entendue, celle-là, et il aimait bien la replacer. Et comme souvent, il n'inventait rien, il observait. Du moins, c'est ce qu'il disait. Birdie, dans la Rome antique, les esclaves de Spartacus s'étaient élevés contre leur maître. Au Moyen-Âge, les serfs contre leur seigneur. À chaque siècle, les mêmes rôles, les mêmes chaînes, simplement rebaptisés. Puis vint le XIXe siècle. Le XIXe siècle, celui de la vapeur et des manufactures. En Angleterre, dès 1811, surgissent les ludites, des artisans tisserands fiers de leurs gestes qui voyaient leur métier remplacé par le cliquetis des machines. Ils ne détestaient pas le progrès. Ils refusaient seulement qu'il leur arrache leur essence. Leurs outils, c'était leur monde, et ce monde, on le leur volait. Alors la nuit, ils brisèrent les machines et leurs belles mécaniques. Le Parlement répondit par la pendaison. La pendaison, c'est net, le message est clair, et le camp du Parlement aussi. Mais surtout, déjà, on devinait l'avenir, un temps où l'homme serait dépossédé de son art et où la production servirait le profit avant l'humanité. À Lyon, 20 ans plus tard, ce fut les canuts, d'autres tisserands perchés sur les pentes de la Croix-Rousse. Eux aussi savaient leur art, mais le prix du tissu n'était plus dans leurs mains. Ils réclamaient simplement un tarif juste, de quoi vivre de leur travail. On leur répondit que le commerce devait être libre, libre même d'affamer. Alors en novembre 1831, ils descendirent des ateliers, drapeau noir en tête, criant « Vivre libre en travaillant ou mourir en combattant ». L'armée entra dans Lyon. La révolte fut noyée dans le sang. Mais l'idée, elle, ne mourut pas, car les canuts avaient compris qu'ils ne défendaient plus un métier, mais une condition. Et ailleurs, dans les mines, les filatures, les aciéries, la même colère se rallumait. Toujours la même chanson d'atelier. Qui travaille, pour qui, et pourquoi, et pour combien ? L'histoire, Birdie, avance toujours dans la douleur, recommença Marx. Mais elle avance. À Montcorbier, Marie Roussel le sentait sans le dire. Elle ne connaissait pas les mots de Marx, mais elle vivait la théorie dans sa chair. Chaque matin, elle arrivait avant l'aube et voyait Auguste Delacour passer dans la cour, le veston brossé, le pas lent, sûr de lui. Deux mondes qui se frôlaient sans jamais se rencontrer. Pierre Lemoine, lui, parlait de plus en plus fort à la taverne du quai. Les verres teintés, la fumée montée et sa voix portée au-dessus du brouhaha. « On dit qu'on est des ouvriers, des mains, des bras » commença-t-il. « Mais moi, je crois qu'on est plus que ça. On trime pareil, on touche pareil, on crève pareil. Et pendant ce temps-là, les deux la cour et les patrons se remplissent les poches sans jamais salir leurs manches. » Quelques têtes hochèrent, d'autres sourirent, le moine reprit plus calme. « Voyez, on vit tous la même chose, mais chacun dans son coin. » Chacun se dit que c'est sa faute, que c'est la vie, que c'est comme ça. Mais si on se mettait ensemble, là peut-être qu'on comprendrait qu'on a tous le même sort. On a tous le même combat. Marie écoute. Elle ne dit rien, mais elle sent que les mots de Lemoine lui parlent plus fort que d'habitude. Comme si, entre ses mains usées et celles de ses voisins, un fil invisible venait de se tisser. Je notai plus tard dans mon carnet ce que Marx aurait certainement dit. Une classe en soi qui devient une classe pour soi. Je m'explique. Cette nuit-là, quelque chose d'invisible s'était mis en marche. Le « je », l'individuel, se changeait en « nous », le collectif, comme si la parole de Lemoine avait donné un cœur unique à la masse. Ce soir-là, la théorie avait trouvé son exemple. Les ouvriers de Montcorbier n'avaient rien lu de Marx, mais ils étaient en train de vivre sa théorie. Marx appelait cela la conscience de classe, le moment où la domination cesse d'être un décor pour devenir un combat, le moment où les prolétaires passent d'une classe en soi, une somme d'individus qui occupent la même position sociale, à une classe pour soi, un groupe uni et conscient de son unité, le moment où la lutte peut s'enclencher. Et cette lutte n'est pas seulement une idée, elle s'inscrit dans les faits, dans les rues, dans le bruit des foules. À chaque époque, la même logique. Quand la société se tend trop, la lutte éclate. La lutte, c'est l'élastique qui lâche. Elle resta suspendue dans l'air, cette idée, comme un écho qui refusait de mourir. parce que les sociétés, elles aussi, se répètent parfois. Et aujourd'hui encore, il me semble qu'on commence à entendre gronder les mêmes colères. L'histoire a changé de costume, mais peut-être qu'elle n'a pas changé véritablement de mécanique. C'est un peu ce que nous raconte en ce moment Thomas Piketty, par exemple, quand il annonce des crises sociales extrêmement violentes à venir. Mais retournons dans ma mémoire. À mon corbier, la rumeur courait qu'une grève plus large allait éclater. Marie n'avait pas peur, en tout cas moins. Ce qui la rassurait, c'était de savoir qu'elle n'était plus seule. Elle parlait désormais au nom d'un « nous ». Auguste de la Cour, lui, ne comprenait plus rien. Il répétait « J'ai donné des emplois, j'ai donné des salaires, et voilà qu'on me le reproche. » Mais le monde qu'il croyait immuable commençait à s'émietter. Car la lutte des classes, disait Marx, est une loi du mouvement historique. Quand la structure se tend, l'histoire se met à craquer. Je notais, la lutte des classes, c'est la respiration de l'histoire. Tant que les hommes travailleront pour d'autres, tant qu'ils n'auront pas les moyens de leur propre existence, la lutte reprendra, sous d'autres noms, avec d'autres visages. Et quelque part, dans une usine, une jeune femme leva la tête et sourit sans savoir qu'elle allait, à sa manière, faire grincer le monde.